Visitez la porte d'entrée des entrepreneurs, le cld2quebec.qc.ca. Bienvenue à Web Musique, votre émission donc du dimanche. Donc, je vous disais, l'émission du dimanche qui vous propose plein de bonnes musiques en téléchargement gratuit. C'est assez simple, vous écoutez l'émission, il y a des pièces qui vous intéressent. Vous avez juste à vous rendre sur le site de l'émission, c'est au www.webmusique.ca. Vous allez avoir donc tout ce qu'il vous faut pour télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Vous allez pouvoir télécharger de façon gratuite et légale. Donc, cette semaine, grosse journée aujourd'hui, je faisais la mise en onde de l'émission C'est dans le sac, l'émission spéciale donc du festival d'été. Pas eu beaucoup de temps pour préparer l'émission, je vous ai quand même décidé de faire une émission, un spécial Dusted Wax Kingdom, une étiquette qui nous vient de Varna en Bulgarie. C'est Mitko qui donc tient l'étiquette à lui seul, je crois, donc une étiquette spécialisée dans la musique down tempo, hip-hop, instrumentale, musique donc toujours vraiment intéressante, beaucoup d'albums parus sur l'étiquette, je crois qu'on est rendu à plus de 220 albums parus sur la même étiquette. Souvent il va y avoir peut-être même 2 à 3 albums qui vont paraître dans la même semaine, donc vraiment prolifique. Des beats assez relax, on va vraiment chiller ce soir, donc on va débuter tout de suite avec un artiste de la Bosnie-Herzégovine, de la ville de Gračanica, c'est Skadj da Wajda, on va entendre la pièce Google Ghetto. Ensuite de ça, de la Russie, c'est King Shi, on va entendre sa pièce The Fusion, donc on débute avec ces deux pièces-là à Web Music. We'll be right back.

C'était donc Kinshi avec donc sa pièce The Fusion, c'était tiré de son album The Asian Wind. Avant ça, de la ville de Gračanica en Bosnie-Herzégovine, c'était Skaj da Wajda avec sa pièce Google Ghetto, c'était tiré de son album Chill the Fuck Out, I Got This. Donc vraiment excellent pour débuter l'émission. On poursuit avec cette fois-ci un artiste de la Hongrie, de la ville de Miskolc. On entend Ribbon Mouth Rabbit avec la pièce Who Is It? Ensuite de ça, de l'Australie, c'est Schizo Productions avec la pièce Red Eye. On écoute tout ça à Web Music. Une pièce légèrement inquiétante à Web Musique à l'antenne de CKRL, c'était Schizo Productions, un artiste de l'Australie. C'était sa pièce Red Eye, c'était tiré de son album Subliminal Speech. Avant ça, de la ville de Miskolc en Hongrie, c'était Ribbon Mouth Rabbit avec sa pièce Who Is It? C'était donc sur son album Down the Rabbit Hole. Tout ce que vous entendez ce soir, ce sont tous des artistes qui sont publiés sur le netlabel Dusted Wax Kingdom, un netlabel qui nous vient de la ville de Varna, en Bulgarie. Donc, on fait un petit spécial d'une heure sur ce netlabel-là. Un gros nom dans la scène Net Audio, donc le propriétaire du netlabel, Mitko, qui est vraiment impliqué dans le monde Net Audio. C'est toujours un plaisir de faire passer les albums publiés sur son étiquette, toujours des trucs vraiment intéressants. On poursuit avec Boogie Belgique, donc vous en douterez peut-être, un artiste de la Belgique. Je vous fais entendre sa pièce Morning Mist. Tout de suite après, c'est de la ville de Fort Collins aux États-Unis, c'est Groove Cereal. Je vous fais entendre sa pièce A Cold Autumn Night. Vous allez voir, vraiment excellent. On écoute ces deux pièces-là à Web Music. have seen illusion and reality begin to overlap and fuse. The line between them begins to disappear. That's right. Tous les soirs du 4 au 14 juillet, c'est le rendez-vous incontournable des Noctambules du Festival d'été de Québec. Venez vivre la programmation en salle, présentée par Groupe Voyage Québec. L'Impérial, le Petit Impérial, le Cirque et l'Espace Hyperion vous promettent des soirées en vente avec Louis-Jean Cormier, Family of the Year, The Sheepdogs, The John Spencer Blues Explosion, The Joy Formidable, Ostra, Nicolas Repac, Marc DiMarco et plusieurs autres. Laissez passer en vente à infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Molson Drive. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou, lebaldulézard.com. Voici Mikey G, en direct de la piscine municipale de Limoilou. Oui, c'est Mikey G, en direct de la piscine municipale de Limoilou. Et la piscine est présentement vide, alors on a besoin de vous pour la remplir de fun. Venons jouer, Nadia! Vous désirez vous annoncer à CKRL dans un concept original et unique? Contactez notre service des ventes au 88 640 2575, poste 207. Tous les dimanches soirs dès 21h, heurtez-vous au mur du son pour une dose hebdomadaire de rock bruitiste et expérimental par William Girard et Simon Provencher de 21h à 22h. De retour à Web Musique, vous êtes en compagnie de Simon Roy. Il nous reste seulement une petite demi-heure donc de ce spécial Dusted Wax Kingdom, une excellente étiquette qui nous vient de la ville de Varna en Bulgarie. Donc une étiquette spécialisée hip-hop instrumentale, down-tempo et toutes sortes de musiques pour vous aider à chiller. On va poursuivre donc avec un trio, c'est composé de Mononome de la Grèce, de Genova 7, la ville de Boston aux États-Unis, et de Mr. Moods de la ville de Laval au Canada. Donc ce trio-là s'intitule Wax Triptych, je vous fais entendre la pièce Moonlight Vibe. Ensuite de ça, de l'Angleterre, je vous fais entendre Guillaume avec sa pièce Jupiter Un unwelcome guest, vous allez voir, vraiment excellent. Donc on écoute ces deux pièces-là à Web Music. We'll be right back.

une pièce méga planante de Guillo, un artiste de l'Angleterre. C'était sa pièce Jupiter, An Unwelcomed Guest. Avant ça, c'était le trio Wax Triptych, trio composé de Mononome, Genova 7 et Mr. Moods, avec la pièce Moonlight Vibe. On poursuit notre spécial donc Dusted Wax Kingdom. On poursuit avec un artiste de la ville de New York, DJ Mantos, avec sa pièce Open Your Eyes. Ça va être suivi par Durley avec la pièce Echoes in My Mind. Donc, on écoute tout ça à Web Music tout de suite, à l'instant. Une pièce parfaite en cette soirée d'été assez collante. Merci, c'était Durley de la Pennsylvanie avec sa pièce Echoes in My Mind. Avant ça, de la ville de New York, DJ Mentos avec Open Your Eyes. Donc, ça va être ça qui va conclure le spécial Dusted Wax Kingdom, une excellente étiquette qui nous vient de la ville de Varna en Bulgarie. On va se quitter sur une dernière pièce. Tout de suite après, ça va être le mur du son. Donc, je vous invite à rester à l'antenne de CKRL. Avant de se quitter, je vous rappelle de vous rendre sur le site de WebMusic. C'est au www.webmusic.ca. Vous allez pouvoir donc télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. On va se quitter sur une dernière pièce de Dust Motes. C'est donc le pseudonyme de Paul Croker, un excellent artiste, donc avec ses tables tournantes. On va entendre la pièce Glue. On se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la sélection. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h pour une autre émission de Web Music. Thank you. Téléchargez Web Musique sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Conducteur de véhicules électriques rechargeables, après Montréal et Québec, le circuit électrique s'installe à Sherbrooke, Gatineau, Saguenay, Blainville, Boucherville, Brossard, Chambly, Châteauguay, Deux-Montagnes, Drummondville, Lamalbé, Laval, Longueuil, Mont-Tremblant, Montebello, Oka, Repentigny, Saint-Bruno, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Saint-Nicolas, Saint-Julie, Témiscouata-Saint-Laurent, Carbonne, Vaudreuil-Dorion et Saint-Basile-le-Grand. Et ce n'est que le début. Le circuit électrique prend de l'ampleur. Avec plus de 150 bornes de recharge publique dans 39 villes et 12 régions au Québec, vous roulerez toujours l'esprit tranquille. Visitez lecircuitelectrique.com pour trouver une borne dans votre région. Le 27 juillet prochain, l'International de pétanque du Vieux-Limoilou vous invite à participer à un tournoi amical, sans prétention, le tout dans une ambiance festive. Encore cette année, 64 équipes de la France, du Maroc, de l'Outaouais et de la Haute-Saint-Charles sont attendues. Qui tire du point? Les champions en titre, les urbains, défient quiconque à venir leur ravir la précieuse Coupe Richard. Le 27 juillet, au Parc de Lens à Cartier, dès midi. $30 par équipe de 3 personnes. Inscrivez-vous sur limoilouenvrac@vidotron.ca. En collaboration avec Production Limoilou en vrac, Bal du Lézard, Ville de Québec, arrondissement de la Cité Limoilou, montlimoilou.com, Boréal et Caisse des Jardins de Limoilou. C'est dans la dernière tune que j'ai faite pendant que j'étais en train de finir l'album. Ça m'est genre venu à l'idée. J'ai imaginé une balade en Hot Wheels, les autos miniatures, comme sur le corps de ma chick. C'est que c'est comme un mini bonhomme qui se promène sur le corps d'une déesse. Fred Fortin, le vieux brochet, a senti secret mardi 16 juillet à 9h. C'est KRL. KRL. 89.1.